brother. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn er nog. Nou, de bandjes die lijken straks later binnen gaan spelen. Om 8 uur of zo. Heb ik geen idee hoe laat het nu is. Maar voorlopig is er dus nog buitenprogramma. Dus daar gaan we weer even naartoe. Dan gaan we naar het Stiefpikooplein. Aan het einde van de Pretoriestraat bij Joe's Garage. Joe's Garage is 20 jaar oud vandaag. 20 jaar gekraakt. En dat mag gevierd worden. Dans la case, la chasse nous mène à tous les anges. Je dis mais va trouver la raison. Maïla, il veut vite pousser dans la terre, nana la poison. La rivière s'y ouvre, la pêche, la malheur, là aussi la pluie de camarons. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste une nuit. Danse Maloya, la poêle, la tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste une nuit. Danse Maloya, la poêle, la tisane pour danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle, tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle, tisane pour Piali. Danse Maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Danse Maloya, la poêle.

And we're live. To push it a lot. Hello.